que tu restes là. Je voudrais prolonger la nuit. Je voudrais que tu restes là. En t-shirt jaune et dans mon lit. Embrasse-moi encore une fois, tu bouleverses mon cœur. Pose ta bouche sur la mienne et fais-moi découvrir le bonheur. Ooh.